Un podcast studio dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer. Et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ludologie. On se retrouve pour parler de jeux, pour parler des jeux dans le monde et puis surtout pour parler de ce que c'est que cet objet culturel qu'est le jeu. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un support qui a été un peu moins traité que les autres dans Ludologie, mais qui nous tient tout de même à cœur, c'est le jeu de société. Oui, parce qu'après avoir souvent parlé de jeux de rôle, de jeux vidéo et puis de questions transverses, évidemment, on avait envie quand même de s'arrêter un peu sur les enjeux propres aux jeux de société et notamment des enjeux d'édition. Pour ça, on a été chercher un professionnel de la profession qui a travaillé originellement, j'ai envie de dire, dans le jeu de rôle, et ce parcours transverse nous intéresse évidemment beaucoup parce qu'il apportera un regard croisé, et puis qui travaille depuis maintenant quelques années chez un éditeur bien connu qui s'appelle Yellow, un éditeur que vous connaissez peut-être pour la série des Exit, pour King of Tokyo, pour Codename, pour The Big Book of Madness, ou pour des jeux comme Château Aventure. C'est Ludovic Papaïs, qui anciennement tenait la boîte à eux, qui va nous parler de comment ça s'édite un jeu, c'est quoi les problèmes spécifiques qu'on rencontre, comment on s'y prend, avec qui on traite, et puis comment tout ça peut croiser des enjeux numériques, comment tout ça peut parfois rencontrer des choses qui ressemblent à des jeux de rôle. On va s'y arrêter pendant l'heure à venir, ne vous inquiétez pas, on a plein de questions à lui poser. Si je dis « on », c'est parce que nous sommes deux ce soir. On enregistre le soir. Nous sommes deux. Moi, c'est Manuel. Vous reconnaissez peut-être ma voix, parce que maintenant, ça fait quand même quelques heures qu'on vous bassine avec Ludologie. Et puis, je suis avec Corentin, un de nos nouveaux de cette année qui nous a rejoint dans l'équipe. Bonsoir, Corentin. Salut. Et évidemment, nous sommes tous les deux avec Ludovic, donc tous les trois maintenant. Ludovic Papaïs. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Alors, j'ai fait un rapide portrait. C'était très rapide et c'était un peu survolé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es et quel a été ton parcours, un peu plus en détail pour les auditeurs ? Avec plaisir. Donc, à la base, je n'étais pas dans le jeu, j'étais dans le trafic aérien. J'étais ingénieur en sûreté de fonctionnement dans le trafic aérien. Et j'aimais jouer, comme tout le monde, enfin comme pas mal de gens. Pas mal de jeux de rôle, du jeu de société. Et ça me disait bien de faire quelque chose de plus concret de ma vie. Du coup, j'ai monté ma boîte d'édition de jeux de rôle. Parce que je trouvais qu'il manquait un petit truc en France, c'était les jeux indés américains. Enfin, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des jeux indés, mais les jeux indés américains, je trouvais qu'ils n'étaient pas très bien représentés en France, et je trouvais qu'il y avait des trucs plutôt intéressants, plutôt innovants, intrigants, et j'ai eu envie de les amener sur le sol français, en français. Oui, on peut dire que tu as vraiment pavé le chemin sur ce sujet-là, parce que moi j'ai une liste d'une partie de tes jeux là sous les yeux. On a des jeux alors qui restent aujourd'hui plus discrets comme Sweet Agatha, My Life with Master, Unmighty Shoes, mais on a aussi du Apocalypse World, du Monster Art. C'est toi qui as fait arriver Apocalypse World en France. En français, oui. J'étais pas tout seul non plus. Et puis il y a eu d'autres éditeurs en même temps qui l'ont fait. Il y avait une communauté qui était active. Je pense qu'elle l'est toujours. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Et qui faisait la promotion du jeu indé américain. Donc oui, on était à une époque où il y a eu une arrivée massive simultanée. Et j'étais un des acteurs, tout à fait. Sweet Agatha est plutôt discret, mais c'est un de mes préférés. Ça reste un de mes préférés. Et c'était le premier, si je ne dis pas de bêtises, que tu as édité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et après, tu as changé de cantine. Eh bien oui, parce qu'après, je ne sais plus combien de temps j'ai fait la boîte à eux, 3-4 ans peut-être, non, peut-être moins 3 ans. Ben en fait, le JDR, ça paye pas. En tout cas, le JDR indépendant, ça paye pas. Du coup, j'allais arrêter la boîte à eux et redevenir ingénieur à plein temps. Parce que je ne l'ai pas fait, enfin, j'étais pas à la boîte à eux à plein temps quand même. J'avais gardé un petit peu de temps pour me nourrir. Eh bien, j'ai vu une annonce chez Yellow. Donc, j'habitais à Toulouse et c'était au nord-est de la France quand même, Yellow. Enfin, ça l'est toujours. J'ai vu une annonce passer. Un pote, il bossait. Il m'a dit, enfin, je lui ai demandé si ça valait le coup, s'il pensait que j'avais une chance. Et il m'a dit que oui. Donc, j'ai postulé. Et ça, c'était il y a 5 ans et demi. Et depuis 5 ans et demi, je suis chez Yellow. Là aussi, j'ai eu différents postes. Enfin, j'ai progressé plutôt dans mes postes. Je suis rentré comme chef de projet dans le service édition. Donc, chef de projet, ben, c'est très simple. Hein. On a un projet. Le projet, c'est un jeu. Et le but, c'est qu'il soit édité. On avait plusieurs jeux en parallèle. On a toujours plusieurs jeux en parallèle. Depuis, il y a eu une restructuration, enfin, il y a eu des départs et des arrivées, et je suis maintenant responsable édition chez Yellow, avec une équipe de. Je ne vais pas dire de bêtises. Je vais les compter dans la tête, Ah, c'est un avec moment où il cinq ne faut pas faire personnes. d'impair. Hein. Avec cinq personnes qui bossent avec moi à l'édition. Donc, c'est cinq autres chefs de projet. D'accord, donc en 5 ans et demi, tu es devenu éditeur de vraiment, enfin éditeur, si éditeur de jeux de société, en tout cas sur la partie gestion éditoriale. J'ai envie de commencer par le basique. Ça se passe comment l'édition d'un jeu de société? C'est quoi les étapes? Alors, on va prendre un cas simple et classique. Ça se passe un peu comme dans le jeu de rôle, enfin, oui, comme dans le jeu de rôle, comme dans le livre, comme dans pas mal de trucs d'édition. Il y a un auteur qui va nous proposer un jeu sous forme de prototype, la plupart du temps, plus ou moins abouti. Nous, on va y jouer, on va y rejouer, jusqu'à ce qu'on arrive à trancher si oui ou non on veut éditer ce jeu. Ça, c'est la première étape, c'est trouver en fait les projets à réaliser. Nous, on fait deux types de projets. Donc, on a ce type de projet-là qui est classique, qui est le projet en création qu'on appelle, c'est-à-dire on part vraiment du niveau zéro, enfin du niveau zéro, du niveau le plus bas. C'est-à-dire on part d'un prototype d'un auteur. On fait aussi de la localisation, comme je faisais à la boîte à eux. C'est-à-dire qu'on a des projets dans d'autres pays qui nous intéressent et on veut les localiser. Donc ça, c'est un peu différent. Mais si tu veux, je continue sur la création. Ouais, c'est plutôt effectivement la création qui va nous parler dans un premier temps. Déjà, comment ça se passe? Parce que on voit bien comment ça se passe dans le cadre d'un auteur qui veut proposer un jeu ou un livre à un éditeur. C'est-à-dire qu'il envoie le manuscrit et puis on lit ce qui est écrit. Ça donne déjà une assez bonne idée. J'imagine que dans le cadre d'un jeu de société pour un prototype, il peut déjà commencer à y avoir des enjeux matériels. Quand on va lire quand on soit on va le voir en réel parce qu'on va sur différents salons où on peut voir des auteurs. Donc par rapport à un livre, déjà c'est plus facile à évaluer parce que rien que sur le pitch, on peut déjà faire un tri très rapide sur le pitch mécanique, hein, pas sur le pitch de l'histoire. Sur le pitch mécanique, sur effectivement si nous on va pas toucher à certains éléments, on va pas faire de l'action game. Avec de la mécanique, avec de l'électronique dedans, par exemple. Donc oui, au niveau matériel, on va essayer de se projeter, rien que sur sa présentation, quand il va nous présenter le prototype, on va essayer de se projeter sur le matériel, sur les illustrations, sur le thème, sur pas mal de trucs. Et le matériel peut être bloquant si on pense que c'est trop compliqué, ça peut induire le fait que ça soit trop cher pour le marché. Donc ça, c'est rien qu'à la présentation du jeu, rien qu'à la présentation mécanique du jeu. Du coup, c'est intéressant si on poursuit cette comparaison avec le livre. La phase suivante, une fois que le jeu est sélectionné, c'est souvent une longue et pénible phase de relecture et de correction. On peut se demander comment, parce que là, il va y avoir ce double aspect à la fois d'écriture, entre guillemets, d'histoire, de contexte du jeu, et puis il va y avoir l'écriture mécanique, éventuellement des changements à faire en termes de règles. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que vous faites en tant qu'éditeur de jeux de société? Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus et qu'on essaie de mieux intégrer. Là où, enfin, il y a deux aspects. Tu as l'aspect écriture de l'histoire. Donc, c'est-à-dire que le jeu, on aimerait qu'il soit cohérent, qu'il ça soit pas un vulgaire collage d'un thème sur une mécanique. Donc, on essaye de trouver le thème qui correspond le mieux à la mécanique. Or, la plupart du temps, quand même, l'auteur arrive avec un thème qui colle bien à la mécanique. Donc, nous, on n'a plus qu'à peaufiner les détails ou qu'à améliorer ça. Mais dernièrement, par exemple, on nous a présenté un jeu dont un jeu de conquête, et finalement, il n'avait pas trop de thème. D'ailleurs, on a vu, rien qu'avec le prototype, on voyait qu'il avait eu deux thèmes différents. On a vu qu'à une époque, ça devait être un jeu avec des nains qui minaient. Le prototype final, il y avait des dromadaires et des oasis, donc à la place des nains qui minaient. Du coup, on sentait bien que même si c'est pas un collage brutal et artificiel, on sentait que on pouvait s'amuser avec le thème. Du coup, on a pas mal réfléchi et on a trouvé un thème plus adéquat, une histoire plus adéquate liée aux mécaniques, liée à comment on gagnait des points de victoire, etc. Parce qu'on trouvait un peu simple et basique dans un jeu de conquête que pour gagner des points de victoire, eh bien, il fallait envoyer des nains à la mine pour qu'ils récoltent de l'or. On trouvait ça un peu classique et bateau et un peu triste à force. Donc on a voulu trouver un truc plus original. Donc il y a effectivement, on va réfléchir à l'histoire. Qu'est-ce que raconte le jeu? Même si des fois ça raconte pas. Enfin, il y a des jeux qui sont un peu simples et basiques, qui vont pas raconter une histoire folle, mais il faut quand même que ça raconte quelque chose pour que les règles soient le mieux comprises. Et t'as l'aspect développement mécanique, où là, c'est le truc peut-être un peu moins sexy. Il y en a qui s'éclatent dedans quand même, où tu vas peaufiner le jeu, tu vas rejouer, tu vas tester des variantes, tu vas tester des nouvelles règles, tu vas tester des petits changements, tu as demandé à l'auteur. Ah, c'est un peu dommage dans le jeu, il manque juste ce petit ingrédient là qui ferait que le jeu gagne un niveau de qualité supérieur. Donc oui, il y a les deux développements qui existent. Et alors, sur cet aspect développement mécanique, justement, pour faire le parallèle avec le jeu vidéo par exemple, on sait qu'il y a un travail intensif d'alpha et de bêta testing avec des volumes de joueurs assez importants qui vont tester le jeu pour voir, dénicher des bugs, des dysfonctionnements, des limites de jeu. Ça se passe comment chez Yellow? Vous avez des interlocuteurs qui sont dédiés à ces tests? Alors, on travaille avec des professionnels du débugage, on va dire, on va appeler ça comme ça, des développeurs professionnels, entre guillemets. Qui vont nous faire. Donc, on va commencer par un audit pour voir quel est le niveau de buggitude du jeu. Et suivant le niveau de buggitude, soit on fixe nous-mêmes le jeu parce qu'on est chef de projet, on n'est pas spécialement mécanicien chez Yellow. Donc, ce n'est pas nous qui allons fixer vraiment si le jeu a de très gros bugs. On n'est pas à même de réparer totalement un jeu. Par contre, si le jeu a des petits bugs par-ci par-là, on est quand même joueur, on a des idées, on n'est pas couillon. Donc, suivant le niveau, le résultat de l'audit, on va soit développer nous-mêmes, soit faire appel à un mécanicien. On va aussi faire appel, enfin, on va aussi pas mal tester les jeux tout court, quoi. On a en interne pas mal de monde à qui faire tester les jeux. Typiquement, là, pour l'année prochaine, on a un jeu à base de scénario. Donc, chaque fois, je prends que deux personnes, je leur fais tester le scénario, je leur fais tester surtout. Là, ce qui pose problème sur le jeu, c'est la résolution finale et comment valoriser une expérience narrative. Donc, ça, c'est pas évident. Donc, du coup, on peut aussi faire en interne. On a aussi des gens qui viennent le vendredi après-midi pour tester nos jeux, qui vont nous aider à faire plus de parties, en fait, à faire rouler le jeu. Et on a aussi l'auteur qui, suivant les auteurs avec qui on bosse, il y a des auteurs qui ont leur propre groupe de travail. et je pas au singulier quoi, au pluriel. On a un auteur qui envoie à travers, on a un auteur américain avec qui on a bossé, qui a plusieurs groupes de développement à travers les États-Unis. Il leur envoie à chaque fois les jeux et ça bêta teste à fond quoi. Oui, mais on avait interviewé effectivement Antoine Boza il y a quelques années maintenant et on avait parlé un peu avec lui de ses méthodes de travail. Il avait effectivement un certain nombre d'interlocuteurs et de groupes avec lesquels il échangeait. Et puis j'imagine que les salons, ça sert aussi à ça, non? Les salons, ça sert à ça. Il y a souvent... mais les salons, on essaye quand même de leur faire tester, enfin nous, de notre côté en tout cas, plutôt en fin de vie du projet. Pour qu'ils soient le moins buckés possible quand même, et que les gens aient une belle expérience. Parce que si, à cause de certains bugs, les gens ont une mauvaise expérience, ça va quand même rester un petit mauvais goût dans la bouche, même si on répare ça hein, derrière. Mais ça laisse une petite mauvaise image au jeu. Donc on va essayer quand même de leur faire tester quelque chose qui est plus ou moins abouti. D'accord. Même avec les professionnels, où il peut y avoir aussi un enjeu de faire découvrir un peu les dernières trouvailles ou les derniers projets sur lesquels vous bossez. Ouais, quand on bosse avec des professionnels, donc quand tu parles de professionnels, j'imagine que tu penses aux boutiques. Donc aux boutiques, on va leur montrer que des produits finis. Enfin, juste un peaufinement d'ergonomie, mais pas de la mécanique finalisée, pour qu'ils aient vraiment une belle vision du truc. Tu parlais de projets qui vous arrivaient plus ou moins aboutis. Un des aspects qu'on retrouve beaucoup, ne serait-ce que quand on regarde votre catalogue à Yellow, c'est l'aspect graphique présent dans un jeu de société. Et je me demandais quelle était la relation aux illustrateurs dans ce milieu-là par rapport à Yellow. Est-ce que vous avez des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler? Est-ce que ça arrive que quelqu'un arrive avec une charte graphique déjà complètement établie Alors, en général, les auteurs ne viennent pas. Enfin, à 99% du temps, ils ne viennent pas avec une charte graphique préétablie. C'est arrivé une fois où on a croisé un auteur qui voulait bosser avec tel illustrateur et il avait fait le proto avec cet illustrateur-là. Mais ça, c'est arrivé une fois. La plupart du temps, on est libre. Enfin, l'auteur nous fait confiance et on est libre. Et par contre, on va le tenir au courant de avec qui on va bosser, quel est le thème qu'on veut mettre en place, si on change le thème, quel est le style d'illustration qu'on veut mettre en place. On va, voilà, y a une relation de discussion déjà avec l'auteur. Ensuite, l'illustrateur, comment on le trouve? Eh ben, quand on va réfléchir au thème, on va aussi réfléchir au style graphique. Est-ce que c'est plus ou moins cartoon, plus ou moins donc premier degré? Est-ce qu'on veut un style très tranché? Est-ce qu'on veut quelque chose de plus ou moins original, etc., etc. À partir de là, on a effectivement des illustrateurs avec qui on aime bien bosser. Moi, actuellement, j'aime bien bosser avec Biboun ou Miguel Coimbra, qui sont des artistes qui ont fait pas mal de jeux pour nous. Enfin, j'en ai cité deux, je pourrais en citer pas mal parce que sur un de nos projets, j'ai essayé de faire bosser tous ceux avec qui j'aime bien bosser. On y reviendra sur celui-là. Donc, parce que c'est un projet sur lequel j'ai fait bosser 12 illustrateurs. Donc, mais voilà, bah, 12 illustrateurs, typiquement, voilà, j'en connais au moins 12 avec qui j'ai plaisir à travailler et à retravailler. Le souci que cela peut amener, c'est que enfin, on pourrait tourner en rond, avoir toujours le même style, la même patte, etc. On a la chance de travailler avec des illustrateurs qui savent se réinventer, qui savent changer de style. Et que, ben, par exemple, Biboun, je suis allé le voir sur un projet et je lui ai dit, bah là, j'aimerais bien bosser avec toi sur ce projet, mais par contre, il faudrait que tu me fasses un truc totalement différent de ce que tu sais faire. Et en fait, ils adorent ça. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est faire tout le temps la même chose et être confiné dans un rôle, comme au cinéma, un acteur serait confiné dans un type de rôle très précis. Ben, eux, ils n'aiment pas ça. Ils aiment bien aussi le challenge et tester de nouveaux trucs. Donc, comment ça se passe? Ben oui, voilà, la plupart du temps, enfin, moi, j'aime bien rebosser avec une personne avec qui j'ai déjà bossé parce que ben, je sais comment elle va bosser, je sais s'il va être rigoureux sur les délais ou pas, s'il va bosser plus ou moins vite. Donc, c'est plus agréable à quelqu'un avec qui on a bossé. Sinon, on regarde sur Internet, je suis abonné à plein de trucs sur Facebook, de concours d'illustrateurs, de concours entre eux, hein, sympathiques. On peut se balader sur des sites internet, il y a plein de façons de les trouver sinon. Quelle est la marge de manœuvre des créateurs de jeux là-dedans? Parce que là, tu parles des illustrateurs qui t'aiment bien bosser, en tant qu'éditeur, mais tu as positionné et nommé les créateurs de jeux comme des auteurs. Du coup, quelle est leur place en termes de direction artistique, si je puis dire? Alors, de manière contractuelle, ils n'en ont aucune. Voilà. Contractuellement, c'est Yellow qui décide qui est l'illustrateur, qui... Mais, et même pour les aspects matériels, on peut aller même plus loin sur l'aspect matériel, sur les prix surtout, c'est Yellow qui va décider. Il y a des auteurs, ils vont s'en ficher royalement, ils vont être déjà fin heureux d'être édités. Et il y a des auteurs qui aiment bien être impliqués. Donc nous, de base, on implique plutôt l'auteur. Et on va le faire, de toute manière, même si on n'est pas obligé, contractuellement, hein, encore une fois, on n'est pas obligé, mais on va le faire parce qu'on a envie que le produit soit soutenu par l'auteur, soit qu'il en soit fier, soit content d'avoir bossé avec nous. Donc de toute façon, on va l'impliquer dans le choix. Alors, c'est rare que l'auteur veuille choisir le style ou soit pas content avec le style qu'on choisisse. C'est rare, même, ça m'est pas... Là, je réfléchis en même temps que je le dis. Hein. Je prends des précautions orales, mais en fait, je crois pas que ça me soit arrivé qu'un auteur soit pas content. Après, on a des auteurs aussi plus ou moins professionnels, entre guillemets. Professionnels dans le sens que ça fait longtemps qu'ils sont là. On bosse avec un Bruno Catala, t'as cité Antoine Boza, mais il y a Bruno Catala aussi avec qui on a bossé. Ben, on sent qu'ils sont professionnels dans le sens qu'ils ont de la bouteille, quoi. Donc, eux, ils ont des avis plus forts que d'autres auteurs qui sont peut-être timides, d'ailleurs. Hein, s'il faut, peut-être qu'ils n'osent pas donner leur avis. Mais suivant l'auteur que tu auras en face, tu auras des gens qui veulent plus ou moins s'impliquer, qui sont conscients qu'on a le dernier mot. Mais on est conscient aussi que si notre dernier mot ne correspond pas au leur, ils voudront peut-être plus bosser avec nous, quoi. Quoi qu'il arrive, on essaye de contenter tout le monde. Et c'est pareil avec l'illustrateur aussi. Avec l'illustrateur, on va pas lui demander des trucs qui vont le saouler, on va essayer de lui demander des trucs qui vont où il va s'épanouir, en fait, durant le projet, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, pour qu'il soit heureux et qu'il parle du projet, qu'il en soit fier, hein. Qu'on soit tous fiers, en fait, du projet, au final. Ça répond à la question ? Ouais, très bien. Ça, c'est pour le côté, de votre fonctionnement en interne. Tu as évoqué le côté contractuel, et c'est assez intéressant parce que dans des milieux comme le livre, le contrat d'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement établi, c'est plein d'implicites qui sont acquis dans le milieu, qui sont contestés parfois. Vous avez un équivalent de ces contrats-là qui est vraiment inspiré de celui du livre ou... Vous avez un fonctionnement totalement différent. Est-ce qu'il y a un système de droit d'auteur ? Il y a un système de droit d'auteur. Alors, ce n'est pas comme dans le livre, parce que le livre, je crois qu'il se base sur le prix public, mais qui est fixe dans le livre, alors que nous, il n'est pas fixe. Du coup, les pourcentages reposent sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je pense qu'ils sont plus élevés en pourcentage, mais comme c'est sur un chiffre moins élevé, ça revient à peu près au même. Et pour les illustrateurs aussi. En France, pas mal d'illustrateurs veulent bosser avec des royautés, et nous, on leur propose des royautés, puisqu'ils font partie du succès. Enfin, si nos jeux sont réputés, en tout cas, je l'espère, pour que c'est vraiment... Enfin, c'est ce qu'on nous dit en général, j'espère que les gens le pensent vraiment, que les jeux Yellow sont réputés pour leur aspect graphique. Et c'est aussi parce que on se donne du mal avec les illustrateurs, qu'on leur donne des royautés, qu'ils sont contents de bosser avec nous, et voilà, quoi, c'est un cercle vertueux, quoi. Alors, dans les enjeux du jeu de société, donc il y a ce travail d'illustration qu'on peut retrouver ailleurs, mais le travail graphique prend toujours effectivement une place. Il y a aussi la matérialité, si j'ose dire, c'est-à-dire le fait qu'on construit des objets qui sont un peu plus spécifiques et parfois un peu plus compliqués à produire que des livres. Je sais par exemple que vous avez fait un jeu avec des mains collantes. J'imagine qu'en termes de fabrication, de production, ça soulève des enjeux tout à fait spécifiques. Ça va. Alors, il y a les mains collantes, mais enfin, il y a plein de trucs qui sont différents par rapport aux jeux de société. Mais ça peut être plus ou moins facile pour n'importe quel éditeur, parce que t'as des usines qui vont faire la recherche matérielle pour toi. C'est-à-dire que nous, par exemple, à Mancoland, on a une usine avec qui on travaille 90% du temps sur nos jeux qu'on produit nous-mêmes, sur les jeux qu'on produit nous-mêmes. Et il suffit qu'on lui dise tiens, on veut des Mancoland, voilà à quoi ça ressemble, on lui envoie. Et il va faire le sourcing pour nous, c'est-à-dire qu'il va rechercher différentes mains collantes pour nous, différents fournisseurs de mains collantes. En fait. Donc ça peut paraître compliqué, mais en fait, suffit de bien exprimer ce qu'on cherche et on le trouve très facilement si on a. Bah, là, on fabrique en Chine et si on a quelqu'un sur place pour chercher, bah, c'est royal. Quoi. Il y a beaucoup d'usines qui te proposent un service de recherche, enfin de ce. Ouais, de un service. Ouais, de recherche, je ne sais pas comment le dire mieux, qui est souvent implanté soit en Europe, soit aux États-Unis pour des usines chinoises et qui vont te conseiller, qui vont t'aider dans ta recherche de matériaux, de matériel, qui vont te dire « Ah, vaut mieux choisir ces cartes-là pour ci, pour ça. » Donc nous, on ne bosse pas avec ce genre de boîte parce qu'ils prennent bien sûr une commission en plus. Enfin, y a plus de gens à rémunérer du coup. Nous, on bosse directement avec une usine. On sait comment exprimer les besoins et c'est l'usine qui va faire le sourcing de fournisseurs. Notre usine fait ça pour des mains collantes, typiquement, va faire ça sur des figurines moyennement compliquées. Par contre, elle va faire elle-même des figurines simples. Donc, par exemple, un meeple, sur le petit pion de base, qui soit en bois ou en plastique, qui soit en plastique. S'il était en plastique, elle le ferait elle-même. Voilà. Et sinon, il peut arriver que notre usine va avoir des demandes de notre part bien trop compliquées. Et là, le plus simple, c'est que nous, on trouve nous-mêmes le fournisseur adéquat. C'est arrivé sur des figurines pré-peintes. On a deux jeux qui sont sortis avec figurines pré-peintes. Donc là, on est tout le temps sollicité par des propositions d'usines. Eh bien, on a juste choisi parmi toutes ces sollicitations les gens qui avaient les meilleures références et on a bossé avec eux. Donc c'est pas si compliqué, hein. Ça peut paraître compliqué par rapport au livre, mais moi j'ai bien plus de mal à éditer un JDR qu'à éditer un jeu de société. Tu as évoqué à plusieurs reprises la Chine dans tes interlocuteurs. C'est vrai qu'une des spécificités aussi du jeu de société par rapport à d'autres supports, même si y a un certain nombre de choses qui sont fabriquées en Chine, à commencer par les téléphones et tablettes et consoles sur lesquelles on peut être amené à faire du jeu vidéo. Néanmoins, il y a quand même de la fabrication et de l'importation. On est vraiment dans un business international quand on fait du jeu de société. Vous voyez, pour des enjeux économiques, on est obligé pour certains choix. C'est-à-dire qu'on pourrait bosser en Europe sur certains projets, et on essaye de le faire de temps en temps, mais ça demande des contraintes que l'on. Une absence de souplesse que l'on ne souhaite pas avoir. Sur certains projets, de toute manière, c'est impossible. Ou alors, faut. En fait. Quand vous bossez en Europe, souvent certaines pièces sont faites en Chine de toute façon. On a déjà bossé avec une usine européenne qui faisait importer toutes les pièces en bois et toutes les pièces plastiques. Du coup, ils faisaient juste le carton, les cartes. Dites-vous que si vous achetez un jeu européen, c'est pas forcément 100% fait Europe. Donc oui, la Chine, c'est quand on voit les devis et qu'on se dit ce jeu-là, on veut le vendre à tel prix parce que c'est le prix du marché, parce que les concurrents font ce prix-là, pour un jeu de ce type-là, avec ce type de matériel-là, sur certains jeux, on est obligé de faire en Chine. Là où, effectivement, pour du jeu de rôle, moi, je produisais à l'époque en Europe, parce que le livre peut être fait en France, en Europe, sans souci. On a d'ailleurs le jeu dont tu voulais parler plus tard et qu'on parlera plus tard, qui est fabriqué en France. Là, chez Yellow, nous, on le fabrique en France. Parce que le livre, ça peut être fait en France. Comment on arrive un peu à la fin du processus de construction, dans une certaine mesure. Vous avez aussi ce statut de distributeur à Yellow, et qui implique une relation aux boutiques qui est intéressante. Comment est-ce que ça se passe finalement quand le jeu est produit? Comment est-ce que vous faites pour le diffuser, le vendre tout simplement, au travers de la France et ailleurs? Mais avant, si tu veux, je veux bien rajouter un truc, parce qu'il y a, bien sûr. Il y a un élément qui n'est pas tant présent dans le JDR, qui devrait peut-être l'être plus d'ailleurs, mais qui est moins prépondérant dans le JDR, on va dire, et qui existe dans le jeu de société, qui est spécifique au jeu de société. C'est, on a parlé des illustrations, tu as évoqué l'aspect graphisme, mais l'aspect graphisme, c'est pas que les illustrations. C'est aussi le côté graphique, le côté ergonomique du jeu. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des illustrations d'un côté, mais il faut les mettre sur des cartes, il faut rajouter des pictos, il faut rajouter des icônes, des chiffres, des phrases, plein de trucs. Et donc, il y a un gros travail qui est fait par des graphistes. Donc, dans le jeu de rôle, c'est pareil, il y a des graphistes qui vont mettre en page ton JDR, qui vont choisir les polices, qui vont mettre en évidence les mots importants, qui vont mettre en évidence les infos importantes, qui vont insérer des illustrations au mieux avec le texte, etc. Qui vont faire les tableaux, qui vont faire plein de trucs. Et dans jeu de société, y a le même boulot, mais avec l'aspect interface homme-machine encore plus présente. Ça serait le même boulot qui a peaufiné une fiche de personnage. Et bien là, il faut peaufiner du matériel qui va être utilisé par plein de gens différents. Et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de tests là-dessus quand on parlait des tests. On a parlé des tests sur la mécanique, mais il y a aussi beaucoup de tests sur l'ergonomie. C'est-à-dire, on va choisir tel picto, et ça, c'est en rapport avec le jeu vidéo. D'ailleurs, on s'inspire du jeu vidéo. C'est tel picto, est-ce qu'il est compréhensible par les gens? Parce qu'un des enjeux du jeu de société, et qui n'est pas possible dans le JDR, c'est qu'on va pouvoir avoir des éléments de jeu sans texte, qu'on va pouvoir produire à beaucoup plus d'exemplaires que le livret de règles, par exemple, ou que la boîte. Donc, par exemple, un livret de règles pour la France, on va l'imprimer à 5000 exemplaires, alors que des cartes sans texte, on va les imprimer à 20 000 exemplaires, parce qu'il y a plein de pays qui vont utiliser les mêmes cartes, comme on va réutiliser des icônes, etc. Donc il y a un gros travail ergonomique pour que le jeu soit agréable à utiliser et qu'on facilite la prise en main et surtout le déroulement de la partie, que ça soit fluide, etc. Parce que un des enjeux du jeu de société avec la société d'aujourd'hui, c'est que les gens ont envie que ça se passe vite, qu'on apprenne vite, que la partie soit rythmée. Et donc sur certains jeux, ces enjeux-là de rapidité de compréhension, de clarté et de rythme de partie sont très liés à l'ergonomie. Une icône que tu mets une heure à comprendre et à retenir, c'est mort, quoi. Enfin, ça gâche un peu l'expérience du jeu. Donc, je pense qu'on passe presque plus de temps à tester des ergonomies, à tester des tailles de police, etc., que sur le reste, hein, presque. Et donc ça, on va le faire avec des équipes de test, des équipes en interne. On va leur demander, cette icône, est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire sans que je te l'explique? C'est hyper important. Voilà. Donc ça, on s'est inspiré. Il y a six mois, un an, j'ai fait regarder à mon équipe une nana qui parlait d'ergonomie dans le jeu vidéo. C'était hyper intéressant, hyper instructif et totalement applicable au jeu de société. L'ergonomie dans un jeu vidéo est similaire à l'ergonomie dans un jeu de société. Il y a des icônes qui traînent sur l'écran. Il y a des icônes liées à quand on joue dans un jeu de rôle vidéoludique. Il y a des icônes de compétences dont il est important de comprendre vite fait à quoi ça correspond. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse, pardon. Ah bah tu fais très bien de faire cette parenthèse, je vais juste reprendre là-dessus, puis on reviendra sur la distribution un peu après, mais tu parlais de tests et du fait qu'il y avait un enjeu à une distribution internationale. Ces tests-là, du coup, ils sont faits aussi de façon internationale, parce que j'imagine qu'un même icône n'a pas forcément la même capacité à être saisi en France, aux Pays-Bas, en Amérique latine. Alors, très bonne remarque, mais nous, on ne le fait pas. Mais justement, la personne qui a expliqué ça dans la vidéo, alors je suis désolé parce que j'aurais bien aimé retrouver son nom et son prénom pour lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui a bossé sur des grands projets, qui a bossé sur Fortnite. Et malheureusement, j'ai dit la nana, mais ça serait mieux si je donnais son nom, prénom. Donc quand tu retrouveras son nom, on le mettra dans les infos du podcast. Mais du coup, elle expliquait justement que eux, quand ils créaient les icônes pour un jeu, eh bien, ils les faisaient tourner à des personnes test d'origines différentes, de niveaux de socio-professionnels différents, mais aussi dans des pays différents, parce qu'effectivement, une icône ne peut pas être comprise pareil partout. Alors ça, on le fait pas bien encore. On avait évoqué l'idée, quand on a vu cette vision, on s'est dit « Ah ouais, c'est pas con ça, on devrait montrer une icône à tous nos partenaires. » Mais je crois que là, on atteint les limites du jeu de société qui a de bien meilleurs moyens que le JDR, mais qui a de bien plus faibles moyens que le jeu de vidéo. Et ça demanderait un travail considérable à faire en plus. Qu'on n'est pas encore prêt à faire, malheureusement, pour être au top du top du top. Mais bon... Mais c'est vrai que ça soulève des contraintes spécifiques. Ouais. Et des délais supplémentaires, parce que déjà, il faut réunir les personnes, il faut leur envoyer le truc, il faut attendre qu'elles répondent. Donc, tu te rajoutes du délai, en fait, tout simplement. Et puis, faut choisir les bonnes personnes. Donc, faut vraiment avoir quelqu'un qui va faire ça. Est-ce que tu le fais chaque fois que tu as une itération d'icône ou tu le fais juste à la fin? Bon, c'est déjà compliqué à bien le faire entre nous, donc on s'applique à bien le faire chez nous. Et on fait surtout nos jeux pour le marché français et anglophone, pour le marché européen. Donc là, il y a moins de différences quand même. Donc ça, malheureusement, on ne va pas au bout du bout. Et du coup, de la même façon, quand vous importez un jeu de l'étranger en France, il n'y a pas de travail de traduction de cette ergonomie-là. Il y a... Les textes est transmis, mais pas forcément la forme. Alors, bien sûr, le texte est transmis. Ça nous arrive de retoucher la forme. Alors, plus à un niveau graphique, d'illustration, qu'à un niveau ergonomique. Des fois, l'ergonomie n'est pas ouf. On sent que on a déjà bossé avec des gens qui sont amateurs, mais vraiment dans le sens noble du terme. Hein, c'est-à-dire que c'est leur premier jeu, ils s'auto-éditent. Ils impriment 500 exemplaires à l'arrache, à la main, limite, c'est eux qui montent les jeux, quoi. Et on sent que, eh bien, ils n'ont pas bossé avec un graphiste, ou alors le graphiste, il n'a jamais bossé dans le milieu du jeu, donc il ne connaît pas les contraintes. Voilà. Donc c'est arrivé d'avoir des jeux où on a tout retouché de fond en comble. Par contre, la simple traduction d'une icône, ça ne s'est jamais arrivé. On joue pas mal à des jeux japonais, dans leur version japonaise, et très sincèrement, c'est jamais, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une icône en me disant bon, ça veut dire quoi ça, c'est bizarre. Au contraire, là on a joué dernièrement à un jeu assez compliqué, assez pointu, avec pas mal d'icônes, un jeu japonais comme ça, et non, c'était très clair. Alors après, est-ce que c'est parce que ce pli parce qu'ils ont surtout des jeux occidentaux pour jouer avec et qu'ils prennent les conventions des jeux occidentaux, c'est peut-être pour ça aussi. Hein, mais les points de vie en rouge, les points de magie en bleu, c'est classique, quoi. Par exemple, c'est pas une icône, hein, ce que je viens de dire, mais c'est une couleur liée... C'est des standards, quoi, des codes. Ouais, c'est un code standard, et je crois que... Ouais, c'est des trucs classiques qui ont été standardisés à force. Hein. Alors pour reprendre ce que disait Corentin tout à l'heure et pour revenir donc sur les enjeux de distribution, on sort peut-être un peu de la phase d'édition pure, mais effectivement, un jeu, une fois pensé, designé, fabriqué, reste encore à le diffuser. Alors vous avez une position de diffuseur pour des jeux que vous ne produisez pas. C'est une partie sur laquelle on s'attardera peut-être plus tard, mais c'est moins un enjeu d'éditeur, je crois. Et puis, vous avez aussi des enjeux de distribution des jeux que vous avez créés ou que vous avez accompagnés. Oui, alors nous, on a la chance et le malheur d'être éditeur et distributeur. Du coup, on a dans la même entité des gens qui s'occupent d'éditer les jeux et des gens qui s'occupent de les distribuer. Donc c'est là où d'autres boîtes vont être que éditeurs ou que distributeurs. Parce que c'est deux métiers différents. Le métier de distributeur, ce que vous voulez savoir, c'est comment on arrive à mettre les jeux sur le marché via la distri. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous mettez vos jeux sur le marché? Comment est-ce qu'on touche? Comment est-ce qu'on va jusqu'au détaillant et même jusqu'au public, en fait, pour valoriser les jeux qui ont été fabriqués? Alors, nous, principalement, pour aller le détaillant, on va le voir régulièrement. Il y a une grosse rencontre à Cannes. Donc là, c'est en début d'année, c'est fin février. C'est un gros salon public, mais dans les étages du bâtiment, il y a tous les distributeurs qui vont montrer les sorties de l'année aux boutiques. Donc nous, on y était, on avait une salle dédiée où on avait préparé les protos, parce que vous imaginez bien pour les jeux qui sortent en fin d'année, on n'avait pas le produit final. On avait au moins des prototypes, des choses montées à la main, mais au moins qui montraient l'aspect graphique du jeu et la mécanique. Et on propose aux boutiques, on leur fait le tour, hein, on leur montre cette année ce qui va sortir. Voilà les jeux qui vont sortir, tout simplement. On leur présente à ce moment-là. Il peut y avoir d'autres rencontres ponctuées au fil de l'année, mais celle-là, en tout cas pour nous, c'est la plus grosse. Il y a d'autres éditeurs qui se baladent aussi, qui font le tour des boutiques, qui ont des commerciaux terrain, qui font le tour des boutiques. Nous, on a des commerciaux sédentaires qui vont appeler aussi les boutiques, qui vont dire les sorties de la semaine, et qui vont les présenter par téléphone. Mais le vrai impact, c'est quand la boutique, tu l'amènes dans ce qu'on appelle un showroom, du coup, sur Cannes, et que tu vas lui montrer de visu le produit, que tu vas lui dire ses qualités, et qu'on va aussi, on a quelques jeux qu'on fait jouer à ce moment-là. Donc une boutique, c'est comme ça qu'on les touche, c'est via ces showrooms ou via le téléphone, en leur présentant les sorties quand elles arrivent. Ça, c'est aussi par mail, on a un mail qui est lancé et qui présente les sorties quand il y a des sorties. Je ne sais pas s'il envoie toutes les semaines ou toutes les deux semaines, mais c'est dans cet ordre-là. Avant, j'étais distribué par Edge et c'était pareil, ils envoyaient un mail chaque lundi, il y avait un mail qui partait avec les sorties de la semaine. D'accord. Il y a un certain nombre d'éditeurs qui, eux, pour toucher directement le public, se sont tournés plutôt vers le financement participatif, qui est à la fois un moyen de récolter des fonds et puis aussi un moyen de communiquer, de faire connaître son projet auprès du grand public, auprès des joueurs et des joueuses. Je n'ai pas l'impression que Yellow ait beaucoup mis les pieds dans ce marché-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors nous, on a mis le pied une fois parce que c'était un projet compliqué avec des figurines. C'était la première fois qu'on faisait un jeu avec des figurines. C'était à l'époque où on était, c'est quand je suis arrivé. Hein. Donc l'équipe était toute petite. Il n'y avait pas beaucoup de personnes à l'édition. À titre de comparaison, on était 3,5 à l'édition. À ce qui est l'équivalent. Et l'équivalent maintenant, j'ai dit qu'on était une équipe de 6 chefs de projet. Mais quand je comptais les 3,5, il y avait le graphiste. Du coup, il faut que je rajoute 4 graphistes. Donc, on était 10,5 maintenant. On est 10 maintenant, pardon, et 3,5 à l'époque. Du coup, c'était pas évident. Et voilà. Du coup, on a fait du financement participatif pour ces raisons-là. Maintenant, on n'en fait plus parce qu'on n'a pas spécialement de produits dédiés à ça. On remarque que sur Kickstarter, c'est vraiment les gros projets avec de la... Il y a deux types de projets. Il y a les gros projets avec de la figurine, avec plein de bonus exclusifs, attire-larigot. On fait pas des jeux comme ça. On fait pas des jeux avec plein de figurines. L'autre type de projet, c'est les Exploding Kittens, donc les jeux avec une grosse communauté. Et ça, on n'a pas de jeu non plus avec une licence, avec une grosse communauté. Donc voilà, ça... Ça nous attire pas plus que ça parce qu'on n'a pas les produits pour le Kickstarter. Je trouve que c'est pas pour des produits plus classiques. Enfin, voilà, à mes yeux. Nous, par contre, l'autre façon de faire connaître nos jeux, hein, parce qu'on a parlé du B2B, enfin vis-à-vis des professionnels, mais on le fait connaître directement aux joueurs aussi via les salons. On est très présent en salon. J'ai plus le nombre de dates que fait notre. J'ai un collègue qui est dédié à ça et qui presque tous les week-ends est en déplacement. Mais aussi on envoie des jeux à des salons qui on peut pas passer parce que de toute façon sur un week-end des fois il y a 3 salons en même temps en France. Donc c'est via les salons aussi où on fait pas mal de pubs entre guillemets, enfin où on fait connaître d'autres jeux en tout cas. Tu as dit que vous ne vous plongiez pas dans le financement par Kickstarter parce que vous n'aviez pas les jeux pour. Effectivement, je pense à d'autres sociétés, d'autres boîtes de jeux qui ont les jeux pour. Typiquement, nous, on a installé en Bretagne Monolith. Monolith semble faire des jeux qui sont taillés pour le financement participatif avec de multiples figurines. C'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale. C'est quelque chose qu'on peut trouver chez des éditeurs de littérature, chez des éditeurs de jeux de rôle, chez des éditeurs de jeux vidéo. Comment ça se passe chez un éditeur de jeux de société? Vous avez une ligne éditoriale de définie, et si oui, à quoi elle ressemble? Alors, la ligne éditoriale, chez Yellow, c'est pas celle qui est la plus forte qui soit, parce que c'est vrai qu'il y a des éditeurs, eux, on reconnaît vraiment leurs pattes, on reconnaît vraiment le style de jeu, etc. Nous, comme on est aussi distributeur, on a quand même, on balaye relativement large. Au niveau de la ligne éditoriale, notre ligne, c'est faire du jeu de société familiale, qui peut être joué entre potes ou vraiment familial au sens strict du terme, c'est-à-dire avec ses enfants ou avec ses grands-parents, etc. Donc ça va être du jeu relativement rapide à expliquer, relativement rapide à jouer. Et on va essayer, enfin généralement, on ne va pas s'aventurer dans des jeux trop complexes, des jeux pour dits pour joueurs, entre guillemets, même si ponctuellement on va en faire de temps en temps. On a aussi ouvert une nouvelle marque qui s'appelle Loki, qui sort que des jeux pour enfants, mais avec un côté innovant. C'est-à-dire on n'est pas là pour faire le énième jeu de domino ou le énième memory. On va essayer de trouver des mécaniques dites modernes, en fait. Voilà. Donc notre ligne éditoriale, ça va être ça, ça va être du jeu familial. Si on nous présente un jeu avec plein de figurines qui dure 3 heures, c'est pas pour nous. On ne saura pas faire, on ne saura pas le vendre, il fera tâche dans le catalogue. On va nous présenter un jeu abstrait, ce n'est pas vraiment pour nous. On en a un, mais c'est en localisation. Voilà. Donc, ce n'est pas la ligne éditoriale la plus forte qui soit, mais c'est aussi sur ce qu'on aime. Enfin, la ligne éditoriale, c'est les gens qui font l'édition qui la portent aussi. Hein. S'il y a eu Château Aventure chez Yellow, c'est parce que j'adore Château Aventure et c'est pas spécialement parce que ça rentre dans notre ligne éditoriale, même si ça reste familial, donc ça, on peut dire que ça rentre, c'est parce que j'adore le jeu. Comment passer de l'édition de jeux de rôle américain indépendant à l'édition de jeux de société familiaux, ça peut paraître être un pas important. L'adaptation pour toi, ça fait comment? C'est quoi qui t'a le plus frappé, qui a demandé le plus de flexibilité? Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est maintenant j'ai des moyens. Maintenant j'ai les moyens de bosser avec un tel. Ah, c'est trop cool. Ça coûte pas cher en fait. Donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est que maintenant j'ai... L'argent quoi. C'est avoir les moyens d'embaucher des illustrateurs qui envoient du pâté quoi. Même si j'ai bossé avec des gens super sympas, mais je suis toujours soit limité à des potes avec qui je pouvais dire oh, vas-y fais-moi un prix, je peux pas bosser avec toi sinon. J'enlevais des illustrations quoi. Donc chaque fois que j'ai refait des illustrations sur des jeux de rôle, c'est parce que la personne me faisait un prix. Voilà, tout simplement. C'est parce que je n'ai pas souvent retouché des jeux quand je faisais du jeu de rôle. Mais je me suis toujours refusé de le faire parce que chaque fois, t'es trop cher en fait. Donc les seules fois où j'ai retouché, ça a été parce qu'on m'a fait... dans le milieu du JDR, il y a souvent du bénévolat presque. Donc ce qui m'a frappé, c'est maintenant on n'est plus dans le bénévolat, on travaille avec des professionnels, on rémunère les relecteurs, on rémunère les traducteurs, on rémunère les illustrateurs. Donc ça m'a frappé. Au niveau des contraintes négatives, on va dire, les trucs où je dois me rentrer dedans, j'en ai pas vraiment vu parce que le JDR est bien plus compliqué à mes yeux à faire, parce que en termes de relecture, c'est un travail de monstrueux. Le jeu de société, c'est palpable en fait. S'il y a des coquilles d'orthographe, ça se cache partout dans un JDR. Enfin, dans tout le texte, il va y en avoir. Dans le jeu de société, déjà, le texte est beaucoup plus court. Donc, c'est plus facile de traquer les petites fautes. Et ensuite, des autres fautes qui peuvent arriver, c'est avoir un pion en bois qui est mal taillé. Bah, c'est pas grave, l'usine, de toute façon, va t'envoyer des samples que tu as validés en avance. Ce qui, pour moi, n'était pas possible dans le JDR, parce que ça coûte de l'argent, ça, en fait. Donc, pouvoir valider avant que tout soit produit, bah, c'est faisable dans le jeu de société, pour cause de moyens, et dans le JDR, moi, je ne pouvais pas. Donc, tout est rendu plus facile par les moyens. Donc, moi, j'ai trouvé que des trucs cool, positifs, parce que tout était facilité. Mais avec ça, on a un bon panorama du parcours. Moi, j'ai une question pour boucler ce parcours justement de production d'un jeu. C'est quoi le temps de production d'un jeu de société depuis l'arrivée du prototype jusqu'à l'arrivée en boutique? Alors, comme d'hab, on va dire c'est variable. Oui, mais au-delà des précautions oratoires. Un ordre de grandeur, entre l'arrivée du prototype et la sortie, entre 1 an et 2 ans, c'est cohérent. Ça va de 1 an à 2 ans facilement. Parce que tu as le temps de développement, le temps de trouver l'illustrateur, le temps que l'illustrateur fasse le boulot, et tu as surtout à la fin un temps incompressible de fabrication et de transport qui équivaut à 3 mois, grosso modo, un peu plus de 3 mois. Ça, c'est le moment de tous les dangers, un peu, non? Parce que du coup, si les containers sont perdus, j'imagine que ça peut représenter quelques nuits blanches. Oui, alors ça nous est arrivé d'avoir des soucis, parce qu'on a aussi fait des envois via le Transsibérien, et il y a eu des blocages à cause de la neige cet hiver, et c'est vrai que ça pose des soucis. Mais paradoxalement, là où on a eu le plus de soucis, c'est quand on a fait venir d'Europe, parce que les usines européennes ne nous considèrent pas comme prioritaires, donc on a eu des retards plus souvent quand on a bossé en Europe qu'en Chine. Parce que je pense qu'on n'est peut-être pas assez gros pour travailler avec des usines européennes. Donc oui, le container, c'est ce qui crée un peu de stress. Donc voilà, entre 1 an et 2 ans, on a dit oui au proto, et on reçoit les objets en France. J'ai envie de m'attarder un peu sur le sujet du numérique. Tu as parlé à plusieurs reprises du changement d'échelle entre le jeu de rôle et le jeu de société, notamment d'un point de vue moyen. Tu évoquais aussi la différence d'échelle entre le jeu de société et le jeu vidéo. Un certain nombre d'éditeurs de jeux de société, notamment en France, se sont mis au portage de ces 10 jeux sur support numérique. Je pense aux adaptations de Small World, d'un certain nombre de jeux. Alors, je crois que c'est en France, ça doit être Asmodée qui est quand même pas mal en pointe sur le sujet. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent, vous? Alors, c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on n'a personne à mettre dessus actuellement. C'est comme le Kickstarter aussi, en fait. Le Kickstarter, on pourrait dire, on pourrait chercher des projets qui sont calibrés pour, hein. Mais il faudrait qu'on ait une personne dédiée, en fait. Et le numérique, ça va être pareil. C'est-à-dire que, alors une personne, peut-être pas à plein temps, mais il faudrait que quelqu'un soit disponible pour faire le cahier des charges, trouver le fournisseur, parce que c'est sûr qu'on va pas le faire en interne, hein, de toute façon, mais il faudrait trouver au moins une équipe informatique, enfin une boîte d'info qui ferait le développement, quoi. Donc ça demande à ce qu'il y ait une politique de l'entreprise pour dire ok, maintenant il y en a un d'entre vous qui dédie une partie de son temps de travail à trouver un fournisseur, monter le cahier des charges, etc. Donc c'est pas une volonté actuelle de la boîte. Même si on a des sollicitations autour de King of Tokyo, qui est notre plus gros succès en création. On n'a pas franchi le pas, on n'a pas débloqué quelqu'un pour qu'il bosse dessus, donc ça avance pas là-dessus. Et est-ce que vous surveillez du coup l'éventuel risque d'imitation d'un jeu comme par exemple King of Tokyo en version numérique? On a fait il n'y a pas très longtemps un épisode sur la question de propriété intellectuelle en jeu avec Tom Vercheix, le créateur de Jungle Speed, qui nous avait ramené une foule de copies. Mais là, en l'occurrence, on imagine que ça pourrait être assez simple avec un portage numérique en changeant les illustrations, en changeant un peu le nom, en gardant les mécaniques, de retrouver quelque chose. C'est des choses que vous surveillez un peu, ne serait-ce que par anticipation? Alors oui, c'est quelque chose qu'on regarde. En fait, Mais pas que dans le numérique, parce que ça arrive déjà dans le dur, en fait, dans le jeu de société lui-même. Mais on va surveiller ce qui sort, on surveille, de toute façon, on va surveiller et la concurrence et les nouveaux venus. Donc, qu'est-ce qu'amènent les nouveaux venus en termes de, que ce soit sur le numérique ou sur le jeu de société à proprement parler. On va aussi s'arrêter enfin après l'avoir cité. C'est toi qui auras lâché le nom en premier après l'avoir évoqué à plusieurs reprises sur le jeu Château Aventure. Effectivement, on l'a senti au long de l'épisode, c'est un jeu un peu particulier pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Du coup, on a dit que mon premier jeu édité, c'était Sweet Agatha, un jeu de rôle indépendant qui est génial. Si un jour vous avez envie de faire une expérience, ça vaut le coup, je pense. Et j'avais demandé à l'auteur, après avoir bossé avec lui, je lui ai dit bah, « J'aimerais en éditer d'autres, des jeux de rôle, est-ce que tu en as un à me conseiller ?» Et il m'a dit « Penche-toi sur Parsley Games, tu vas voir, ça vaut le coup, c'est génial. » Il m'a envoyé 2-3 vidéos de parties, et voilà, je suis tombé amoureux du jeu, j'ai trouvé ça fabuleux. Et je me suis lancé dans l'édition à l'époque. De deux scénarios, deux traductions de scénarios de l'auteur originel, dans un style très rudimentaire, donc sans illustration, sans rien, juste avec un graphiste qui m'a aidé à mettre en page. J'ai repris les. Donc c'est un jeu d'aventure textuelle. Alors est-ce que tu peux préciser un peu ouais, le fonctionnement du jeu qui expliquerait aussi pourquoi le style rudimentaire peut avoir du sens? C'est parce que c'est un jeu basé sur les jeux vidéo textuels des années 80. Donc c'était à l'époque où il n'y avait pas trop où il n'y avait pas d'animation, il y avait parfois des images. C'était des jeux genre jeux d'aventure, oui, comme son nom l'indique. Et l'ordinateur nous mettait dans une situation de manière textuelle. Donc il écrivait une petite phrase, des fois il y avait une petite image. Et nous, on devait réagir en tapant la commande, donc en tapant le mot « sortir pièce ». Avec notre petit clavier, et ça nous permettait de sortir de la pièce. Donc, c'était avant qu'il y ait les jeux point and click où on pouvait cliquer sur la porte pour sortir de la pièce. Et c'est exactement la même chose, mais au format papier. Donc il y a un meneur qui va avoir le rôle de l'ordinateur, et les joueurs vont à tour de rôle donner une commande. Ils vont tous jouer le même personnage, mais à tour de rôle. Le fait de jouer le même personnage, c'est ce qui apporte un petit côté, le petit côté rigolo. Mais il y a quand même aussi des énigmes à résoudre, comme dans tout ce genre de jeu. Et du coup, le jeu n'avait juste besoin que d'avoir du texte, le texte que doit lire l'ordinateur, et un plan pour que l'ordinateur se retrouve, enfin sache où il en est, quoi. Donc ça, c'est à l'époque de la boîte E, je l'ai sorti en 500 exemplaires, ce qui était pour moi beaucoup. Et c'est le seul jeu où les gens m'ont redemandé, jusqu'à ce que j'arrive chez Yellow et les gens m'en reparlaient encore. Ils me disaient toujours quand est-ce qu'il y aura une nouvelle boîte, etc. Et du coup, c'est à force que les gens me redemandent le jeu que j'ai pensé l'éditer chez Yellow. Bah, et du coup chez Yellow, le jeu. Mais chez Yellow, vous avez jamais édité un jeu qui s'appelle Parsley Games? Je fais le mec hyper naïf, là, t'as vu. Donc du coup, chez Yellow, je me suis dit, oh, c'est cool, je vais pouvoir éditer Parsley Games, mais le nom étant un peu pourri et ayant pas trop de sens, parce que ça vient du terme parseur, qui était le compilateur, enfin, bon, je m'en rappelle même plus en plus de l'explication, mais c'est un truc comme ça, là. Donc c'était un peu obscur au niveau du storytelling, et puis c'est un jeu qu'on n'avait que pour la France. Donc avoir un nom anglais pour la France, c'était un peu dommage. Et du coup, on a eu l'idée de lui donner le nom du scénario emblématique, qui s'appelle Château Aventure, et on a sorti du coup le jeu Château Aventure. Mais c'est un projet que j'ai eu le droit, alors, chez Yellow, les patrons nous font relativement confiance, et du coup, ils nous disent, ben, chaque année, vous avez au moins un projet carte blanche. C'est-à-dire un projet où vous faites ce que vous voulez. Il en sortira ce que vous en sortirez. Et faites-vous plaisir. Et du coup, ça, c'était mon projet carte blanche d'il y a 2 ans. Ou d'il y a 1 an. Il est sorti quand ? Je me perds dans les années. Il est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'en suis fait plaisir. Et comme je vous parlais de moyens, ben là, j'ai essayé de demander à plein de gens du milieu du jeu de société de m'aider, et même des gens du milieu du jeu de rôle, puisqu'il y a... Mince, attends, je l'ai oublié. Je crois qu'il y a Anthony Combroxel qui voilà. a participé. Si je dis parce que j'adore son scénario que j'ai fait jouer déjà plusieurs fois sur... ma mémoire me trahit. Il a écrit un one-shot que j'ai trouvé génial et du coup, ça me faisait plaisir de l'inclure. Bref, j'en étais où ? Oui, donc je me suis fait plaisir en faisant bosser plein de gens que j'aime bien et voilà. Même si j'ai pas pensé à tout le monde et j'en suis désolé par avance parce que je connais beaucoup trop de gens et que j'espère que personne ne se vexe à chaque fois. Et je me suis fait plaisir parce que comme... j'avais édité un petit jeu avec deux scénarios, je me suis dit autant en mettre 12 et que chaque scénario soit illustré par quelqu'un de différent puisque les univers sont différents et c'est ça le plaisir aussi du jeu. Et du coup j'ai pu faire intervenir 12 illustrateurs dans le jeu et ça c'était bien cool. Notre tombeau. Et ouais, bah, je venais de le retrouver justement, j'allais te le dire. Effectivement, Notre tombeau de Hino, qui est disponible chez John Doe, qui est une mini-campagne horrifique. Donc effectivement, 12 jeux. Mais alors, dans le jeu initial par Sully Games, il n'y avait pas 12 scénarios. Comment ça se passe? Parce que là, vous n'êtes pas juste dans le cadre d'une localisation. C'est une traduction étendue. Oui. Moi, j'ai Château Aventure par Sully Games, j'ai une façon d'y jouer qui n'est pas tout à fait la même que l'auteur originel. Donc, c'est pas très bien parce que j'aime pas trop trahir les œuvres d'un auteur. J'aime pas trop quand des adaptations sont faites et que ça trahit un peu l'esprit original de l'auteur, mais là c'est ce que j'ai fait, donc c'est pas très bien. Mais moi, par Sully Games, je l'aime bien en très rythmé, très nerveux, et où on se marre en fait. Où la partie dure une demi-heure et qui dure pas long. Enfin. Qu'on prenne plaisir et qu'on tourne pas en rond des heures parce que c'est quand même un jeu répétitif, c'est-à-dire on va repasser 10 fois au même endroit, l'ordinateur va répéter à chaque fois, c'est rigolo les 3 premières fois, mais au bout d'un moment, c'est un peu plus chiant. Du coup, l'auteur, lui, il a fait vraiment des scénarios très compliqués, très grands, très étendus, et j'ai pas voulu tout reprendre. Donc, j'ai repris que ceux que j'aimais bien. Et je me suis dit, bah, quand même, ça serait cool d'en créer d'autres. Donc là, ça pose un problème au niveau des royautés, parce que l'auteur, lui, de toute façon, on lui achète son concept pour la France, et on lui donne des royautés. Donc qu'on en fasse un scénario, deux, trois de lui, ou alors qu'on aurait pu en faire 0 et en faire 10 nouveaux, bah, ça aurait été pareil, il aurait touché la même chose. Parce qu'on lui achète finalement le concept, principalement. Du coup, là, il y a un casse-tête qui arrive, c'est se dire, ouais, ok, j'ai déjà ces royautés-là à payer, il faut quand même que je rentre dans une certaine marge, parce qu'on a carte blanche, mais c'est une entreprise qui doit dégager une certaine marge, chaque projet doit dégager une certaine marge. Et du coup, il a fallu que je fasse des calculs pour savoir combien je peux donner sur chaque scénario à l'auteur, mais aussi à l'illustrateur. Parce que là où Château Aventure n'a pas besoin fondamentalement d'illustration, il a juste besoin d'un plan. Mais moi, je voulais rajouter quand même à chaque scénario une illustration pleine page pour créer un peu l'ambiance, pour servir un peu de jacket ou pour introduire le truc, quoi, pour que ça. Parce que j'aime bien les illustrations, en fait, hein, tout simplement. Et puis même les plans sont des illustrations, en soi. Les plans auraient pu être plus simples, mais tant qu'à faire, tant que ça soit des illustrations, oui. Donc j'avais fait un calcul et j'ai proposé aux illustrateurs en leur disant ben voilà le projet, vous allez être 12, je peux vous donner que ça, est-ce que ça va, et à force de discuter on est tombé d'accord sur un chiffre avec les auteurs aussi, mais les auteurs ils étaient tellement heureux que je pense que j'aurais donné 0, c'était pareil. Mais les illustrateurs, c'est quand même un gros boulot, ce qu'ils font dessus. Il y en a qui ont passé vraiment beaucoup de temps, qui se sont vraiment emmerdés à faire vraiment beaucoup de détails. Donc c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Ils ont accepté, que ce soit les auteurs ou les illustrateurs, de ne pas avoir de royauté. On parlait de royauté précédemment. Là, ça avait du sens qu'ils en aient. Mais bon, ils ont accepté de ne pas avoir de royauté. Par contre, d'avoir un fixe à la sortie du jeu, et si le jeu a été un succès, de retoucher un fixe à certains paliers, donc ce qui compense un petit peu l'absence de royauté. Donc ça, c'était compliqué de réunir les gens, mais au final, ça s'est très bien passé. On s'est servi d'une page Facebook, d'un groupe Facebook fermé pour pouvoir échanger, et que ça crée une émulation aussi. Comme ça, chaque fois qu'un illustrateur m'envoyait une illustration, ben, je le mettais sur le groupe. Comme ça, les gens se disaient « Ah ouais, c'est cool !» Et puis, ça les remotivait, parce que comme personne n'était payé normalement, ben, ils essayaient de caler ça entre deux projets. Pour les illustrateurs, typiquement, entre deux projets d'illustration, ils me disaient « Bon, ben, là, j'ai bientôt fini un truc. Avant de relancer le suivant, je vais te faire ton illus. » Et donc, ça remotivait les gens. Ça les relançait. C'était vraiment cool. Voilà. Que dire de plus ? Je ne sais pas sur ce projet. Mais c'était un projet vraiment cool qui a impliqué pas mal de gens qui ont tous fait des efforts pour que le projet naisse et qu'il soit vraiment sympa. Eh bien, on arrive à la fin. Du coup, on va te poser notre traditionnelle question de fin, qui est, c'est quoi toi ton plus vieux souvenir de jeu ? Alors, vous prévenez les gens pour la question, donc j'y ai réfléchi avant. Je sais pas si... On ne prévient pas toujours. Ah. Et, du coup, au début, j'ai réfléchi et... Je me suis rappelé d'un souvenir et je me suis dit, mais c'est pas le plus vieux, mais c'est un des plus marquants. Et puis après, j'ai voulu regarder un petit peu de quoi vous discutiez en général dans les autres podcasts, pas sur cette question, hein, sur le global, quoi, quels étaient les sujets abordés. Et j'ai vu, ah mais oui, il parle aussi de jeux vidéo. Il y a ce jeu vidéo qui est plus ancien. Du coup, je vais vous en sortir deux, parce que j'en ai eu deux quand j'ai réfléchi à la question, et je tiens aux deux. Mon plus vieux, le vrai plus vieux, c'est quand je jouais à Doom 2. Donc j'étais, malheureusement, j'ai pas de souvenir de très jeune, mais j'étais en 4e, 3e, et Doom 2 m'a vraiment marqué. C'était une révélation pour moi. Alors, je fais partie des vieux, du coup, les ordinateurs... J'ai connu ça assez tard. Et dès que mon père a eu un ordinateur à la maison, je me suis dit, putain, c'est rigolo, un ordinateur, il y a plein de jeux dessus. Donc je pense qu'avant Doom 2, il y a eu d'autres jeux, mais que j'ai complètement oublié. Et j'ai eu la révélation. J'ai dû mentir à mes parents. Enfin, j'ai dû dire, mais non, c'est marqué 14 ans. Mais c'est pas vraiment 14 ans, ou je sais plus, c'était peut-être 16 ans. Mais je sais que j'avais pas l'âge légal pour jouer à ce jeu. Donc j'ai un peu grugé, j'ai dit « Ah non, ça passe !» Et je l'ai fait de fond en comble, je me suis éclaté dessus. J'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps, il y a un an ou deux, je pense, dans ces eaux-là. Et c'était triste à mourir. Tellement que ça m'a pas si bien vieilli que ça, et que au niveau des jeux actuels, au niveau de l'ergonomie, typiquement, on parlait d'ergonomie, que ça soit l'ergonomie ou même aussi la souplesse du personnage dans ses déplacements, ça a pris un sacré coup de vieux. Mais ça, j'y ai pensé en regardant votre liste, en me disant, c'est vrai, il parle de jeux vidéo aussi. Mais le premier souvenir quand je me dis à quoi je jouais quand j'étais jeune, le truc qui m'a marqué le plus et du coup qui ressort le plus rapidement possible, parce que je pense qu'il y en a d'autres si je réfléchis bien. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est une partie de jeu de rôle. Et c'est ça que j'aime chez le jeu de rôle, en fait, c'est que ça crée des émotions tellement fortes que ça reste longtemps, en fait. Le jeu de rôle étant un vecteur d'émotions, c'est aussi facile de garder en mémoire. Donc, c'est ce que j'adore dans ce loisir. Et qu'on retrouve moins dans le jeu de société, quand même. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que j'ai fait des jeux de société quand j'avais 6 ans, 7 ans. Mais aucun souvenir, parce que l'émotion n'était pas aussi forte. Du coup, pardon, je m'égare, je reviens. Du coup, c'est un souvenir très précis de jeu de rôle, très précis dans le sens que c'est un scénario très précis. C'est pour m'initier, on m'a fait jouer à la demeure de Strahd. C'est dans l'univers de Donjons et Dragons. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. Pourtant, après coup, là, je l'ai relu quelques années après, je me suis rendu compte qu'il y avait des défauts, que c'était pas génial. Donc, c'est le meneur qui a rendu ça génial, hein, bien sûr. C'est du jeu de rôle, donc les participants, ils sont pour beaucoup. Mais j'ai adoré le scénario, j'ai adoré le refaire jouer par la suite. Ça m'a fait peur, ça m'a fait rire, ça m'a fait... Ça m'a procuré vraiment beaucoup d'émotions. J'ai joué, j'étais là aussi tout petit, hein, enfin tout petit. Je pense que j'avais 14-15 ans. Donc c'est un peu après Doom 2, du coup, hein, c'est pas si loin. Et je sais que c'était la première fois que je faisais Nuit Blanche et je m'en étais pas rendu compte. La nuit, elle est passée en un éclair. Et c'était, voilà, c'était mon plus vieux souvenir positif, d'émotion géniale que m'a procuré un jeu au sens le plus large du terme. Et ça ne m'étonne pas que ça soit du jeu de rôle. Eh bien, Ludovic Papaïs, merci beaucoup pour ce souvenir. Alors, la demeure de Strahd, parce que Strahd, c'est un vampire mythique de l'univers de Donjons et Dragons. Je crois même qu'il avait droit à un portage en jeu de société il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà, le spécialiste confirme. Donc, merci beaucoup, Ludovic Papaïs, pour ce témoignage et ces éclaircissements. On en sait aujourd'hui beaucoup plus sur le processus d'édition d'un jeu de société. C'était très intéressant. Pour les éditeurs, on espère aussi que ça l'était. En tout cas, nous, on est contents. Merci beaucoup, Corentin, pour ta collaboration en tant que binôme avec moi sur cet épisode. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour un prochain numéro de Ludologie. D'ici là, évidemment, hein, continuez de jouer, on vous l'a dit. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur la page Tipeee du Studio Dilettante. Donc, vous cherchez Tipeee avec 3 E et Studio Dilettante, qui est l'association qui nous aide à financer la production de ce podcast. Et puis, bien évidemment, si vous nous écoutez via iTunes ou un équivalent, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire que vous nous aimez, à nous envoyer plein d'étoiles. On vous en sera extrêmement reconnaissant. Ce sera l'occasion de le faire découvrir à d'autres auditeurs ces sujets qui nous passionnent tant et qui, on l'espère, vous passionnent aussi. En tout cas, eh bien, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, surtout, n'oubliez pas de jouer. Pour soutenir ce podcast et l'asso qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.